Baruch ata Adonai Eloheinu Melech Haolam. Dans le Bechem Gadol de Yahshua HaMashiach, Abba, le Daver Roi HaKodesh, parle-nous dans ton Roi HaKodesh béni. Nous ne voulons pas entendre des paroles d'hommes, nous voulons écouter seulement ta voix précieuse. Dans le Bechem Gadol de Yahshua HaMashiach, Omen Beomen. Sheva Bakasha Achim, son serviteur qui vous parle, Dr. Javier Palacio Celorio, Roé de la congrégation Gozo y Paz à Tehuacán, Puebla, Mexico. Nous vous invitons de la part à tous à visiter le site internet en espagnol www.gozoypaz.mx, en anglais www.yakovswell.net, le canal YouTube Shalom 132. Vous trouverez des vidéos, audio et textes que vous pouvez downloader, copier et donner. Car dans cette congrégation, nous ne faisons pas de commerce avec la parole de l'Éternel. Cancer, partie 2. Cancer du côlon. Les deux caractéristiques de ceux qui en souffrent. 1. Amertume très forte. 2. La personne calomnie d'autres personnes. Cela a une base dans les Écritures. Nous allons le voir dans un moment. Comment la personne a de l'envie, elle a de l'amertume et elle calomnie. C'est la diffamation. Ouvrez votre Bible à Proverbes 18-21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Ce n'est pas tous ceux qui calomnient qui auront le cancer, mais pour ceux qui l'ont, c'est quasiment 100% sûr qu'ils ont ou elle a calomnié ou diffamé. Généralement, ces personnes tentent de s'excuser en mettant la faute sur d'autres. Alors cela génère des toxines. Mais nous savons que ce sont des esprits. Donc, si la personne a un pouvoir, nous devrions toujours prononcer des bénédictions. Je ne te maudis jamais en disant que tu vas être mal. Dis toujours, je vais être bien. Si tu aimes la vie, c'est ce que tu auras. Si tu aimes la mort, c'est ce que tu auras. Non, personne ne veut la mort. Matthieu 12, verset 36. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qui sera été proférée. Ici, l'Éternel ne parle pas d'une bénédiction. Abuser verbalement une personne retourne à la personne qui l'a prononcée. Le cancer du côlon peut être héréditaire, dû à des conflits familiaux. Parfois, il n'y en a pas pour plusieurs générations et soudain, il apparaît un. Mais la plupart du temps, c'est héréditaire. Parce que les esprits se transmettent. La connexion entre la bouche et l'anus est très importante. Ce qui est prononcé avec la bouche se répercute directement sur le côlon ou le rectum. Dans ma carrière de médecin, je n'ai jamais vu un patient tranquille qui ne maudit pas et j'ai vu beaucoup de cancers du côlon. Nous devons faire une colostomie et sortir le côlon afin que la personne fasse ses besoins dans un sac. C'est un seul tube de la bouche au pharynx, œsophage, estomac, petit intestin et le grand, etc. jusqu'à l'anus et le rectum. Habituellement, c'est dans le côlon descendant, ainsi nous faisons une colostomie. Donc, si à l'entrée, entre le venin de la langue, ce qui est inspiré des esprits, la maladie s'installe. Dans le livre de Jacob 1, on lit qu'il y a une langue qui vient de l'enfer et qui nous donne des répercussions sur la santé. Exemple, les paroles de frustration et de colère. La colère du Créateur n'a rien à voir avec celle des hommes. Si vous êtes colérique, repentez-vous, car le cancer et les jugements de l'Éternel n'attendent pas. Pourquoi ces personnes ont beaucoup de frustration et de colère? Jean 20, 23. Jean 20, verset 23. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Ceci n'a rien à voir avec l'Église catholique, qui a inventé que les prêtres pouvaient pardonner les péchés. Ce verset a un contexte très profond. Je répète, ce qui se dit en mal de quelqu'un est une malédiction, qui revient vers la personne qui le dit. Dans Jean 20, retenir le péché de l'autre s'explique que la personne a été offensée et ne l'a pas pardonné. Ceci est retenir les péchés. Donc ne retenez pas les malédictions, pardonnez, sinon vous resterez attachés. Matthieu 6, voici donc comment vous deviez prier. Notre Père, qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Alors nous retenons rien. Si une personne nous offense, laissez-la faire. Car si nous ne pardonnons pas, nous ne sommes pas attachés à la personne, mais à la malédiction profanée. Les péchés que nous retenons sont logiquement retenus. Si on ne pardonne pas, nous restons attachés à la soudure de son jugement. Le seul juge qui est juste est Yahshua le Messie. Bien évidemment, prenons soin de sa santé et de son alimentation. C'est important, mais la clé est le pardon. Si quelqu'un dit que cette personne ne mérite pas son pardon, mais que Yahshua l'a pardonné, ce ne doit pas être notre propre jugement. C'est un principe spirituel très fort. Avec le même jugement avec lequel j'ai jugé, je serai jugé. Matthieu 7, 1. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment veux-tu dire à ton frère, « Laisse-moi ôter une paille dans ton œil, toi qui as une poutre dans le tien ?» Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Baruch Hashem, Yahshua. Donc si quelqu'un comprend ses principes spirituels, il devra vivre en sainteté et tout pardonner. Romains 2, verset 1. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, toi, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Le cancer du côlon se présente avec hémorragie. Parfois, les patients évacuent du sang à la toilette. Je dois évaluer si ce sont des hémorroïdes, des veines, des varices de l'anus, des pylopes ou un cancer. Alors, nous commençons les études. En général, le cancer du côlon commence avec une hémorragie rectale. Il peut y avoir une diarrhée chronique, des douleurs abdominales, et quand le patient me dit qu'il a des douleurs vers la colonne lombaire, attention, ce pourrait être un cancer du côlon. Car il y a plusieurs nerfs qui vont de la guérison légion lombaire au côlon. Habituellement, quand un patient se présente, le cancer est avancé et le premier symptôme est une anémie. Il est pâle, car il perd du sang dans les selles. Si elle est pâle des lèvres et des oreilles, et qu'il se sent faible et qu'il a des ganglions, qu'il perd du poids, car il ne mange plus normalement, médicalement, il faut faire une colonoscopie pour voir si une lésion qui saigne. S'il y a un cancer, que faut-il faire? Il faut sortir l'intestin afin que la personne puisse faire ses besoins, suivi de radiothérapie et chimiothérapie. Des cancers du côlon que j'ai vus, personne ne s'en est guéri, car généralement ce sont des gens idolâtres, on dirait des sorciers dans leurs habitations. Il y a de mauvaises odeurs, pas à cause de la personne, mais des esprits qu'il y a dans ce lieu, causés par des malédictions prononcées. Je n'ai pas vu une seule personne qui s'est repentie et qui est allée au pied du Messie. Non, aucun jusqu'à présent. Généralement, les enfants de ceux qui maudissent vont être également maudits et finir avec un cancer. Si votre famille a des antécédents de cancer, le mieux serait de se repentir et de rompre les malédictions. Pour cela, il y a des enseignements de libération 1 et 2 en vidéo et en audio sur les pages Internet. Et vivre, bien sûr, en sainteté. Si vous êtes névrotique ou frustré, brisez tout cela, oui c'est possible, dans le nom de Yahshua HaMashiach. Alors vous guérirez. Le cancer du côlon est donc causé par des murmures, anarchiques, ce qui veut dire sans gouvernement. La personne dit « je me gouverne moi-même ». Ce sont des personnes qui ne se soumettent à personne et n'acceptent aucun conseil. Elles causent beaucoup de divisions dans la famille et ailleurs. Pour tous ceux qui l'entourent, elle n'apporte pas le shalom, la paix. La Bible dit qu'il n'y a pas de paix pour l'impie, et c'est ainsi. Il y a des païens qui sont perdus dans les religions traditionnelles. Ils ne sont pas alcooliques, fornicateurs ou etc., mais l'idolâtrie, et qui invoquent des esprits. « Oh, j'invoque tel ou tel saint pour me intercéder, etc. » Et c'est interdit dans la Torah. Deutéronome 18. Donc, ils peuvent être idolâtres, comme ceux qui ont ce cancer tant conflictuel. Pour guérir de ce cancer, il faut un miracle de Yahshua, car il en meurt quasiment tous. La solution est de se repentir. Allons maintenant au cancer du foie. Proverbe 7:21. Elle le détourne par sa prise multiple. Elle le bannit au glissement de ses lèvres. Il va derrière elle, soudain, comme un bœuf à l'abattoir. Il vient comme un démon chevillé pour la discipline, jusqu'à ce que la flèche fende son foie. Comme l'oiseau se hâte vers le traquet, sans savoir qu'il y a de son être même. Ce n'est pas donc une coïncidence. Généralement, le cancer se présente chez les adultères ou fornicateurs et à ceux qui sont addicts à la pornographie. Mariés ou pas, causés par des esprits spécialisés à détruire le foie. Les personnes pensent que c'est surtout causé par l'excès d'alcool, donc le foie gras, 1, 2 et 3, ou cirrhose hépatique. Mais un cancer du côlon s'est relié à ce que dit le roi Salomon. Premièrement, le patient devient jaune dans les yeux car la biribuline augmente et cause des picotements sur la peau. L'hépatomalie. C'est quand le foie grossit, ce qui peut être causé par une tumeur dans un ou l'autre des deux globes. Généralement, le vase grossit. Un échange de liquide, le foie en santé ne dépasse pas les côtes. Il y a sitis, rétention de liquide, donc utilisation de diurétiques. Il y a des cancers du pancréas qui peuvent affecter le foie. Par exemple, les tubes qui amènent la bile à l'intestin bloquent et les patients peuvent devenir jaunes aussi. Je n'ai jamais vu un saint, un kadosh, qui garde les commandements du Père avec un cancer du foie. C'est surtout causé par des esprits adultères. Depuis les 5 dernières années, je vois surtout des jeunes d'environ 18 à 23 ans qui présentent une douleur. Le teint jaune. Les cellulaires ont augmenté, donc la pornographie est plus accessible. Passons maintenant au cancer du sein. Le cancer du sein vient souvent d'une rivalité pour le pouvoir de la mère entre les sœurs qui veulent... usurper l'autorité maternelle. L'autorité maternelle. Même si elle n'est pas une sainte, c'est grave dans la Torah. Cette rivalité peut causer des cancers de l'utérus, des ovaires et du sein par des jugements de l'Éternel pour ne pas honorer sa mère. La haine, c'est désirer que l'autre personne n'existe plus. Si nous prononçons cette malédiction, ça nous revient. Allons à 1er de Jean 3, verset 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Qui est son frère est un tueur d'hommes. Et vous le savez, aucun tueur d'hommes n'a la vie éternelle qui demeure en lui. Le Créateur est le maître de la vie et de la mort. Ce n'est pas à nous de décider. Les vrais messianiques n'haïssons personne. Même si on est calomnié, nous bénissons et prions pour les autres. Car tôt ou tard, le péché a ses propres répercussions. Quand il n'y a pas d'amour entre la fille et la mère, cela cause des cancers. L'endométriose est la cause numéro 1 de ne pouvoir être enceinte et de l'avortement. Quelle est la cause spirituelle de l'endométriose? C'est l'auto-rejet et la haine de soi due à une mère qui abuse avec autoritarisme. La personne atteinte ne peut pas être enceinte ou elle avorte. Elle a du ressentiment envers sa mère, mais en même temps, elle cherche sa protection. Pourquoi? Si elle sait que la mère abuse, c'est le matriarcat. C'est peut-être la grand-mère, un esprit de Jézabel. Yahshua le reprend. C'est un contrôle de la mère et un autoritarisme abusif. Avec les paroles et les actes, elle abuse afin que sa fille la maintienne même si elle est en bonne santé. La patiente peut sentir une douleur pelvienne en relation avec son cycle menstruel. Alors, elle ressent une dysménorrhée, douleur de menstruation et infertilité. La mère fait du chantage à sa fille ou des menaces graves. Une femme mariée, mais sous l'autorité de sa mère, c'est dangereux. C'est une surprotection ou un contrôle total. Qu'est-ce que c'est? L'endométriose. C'est un tissu qui grandit, une aberration du tissu endométriel hors de l'utérus. La matrice est une cavité et l'endomètre est la partie interne. Le minomètre est le muscle. Il sort de l'utérus et va vers les ovaires. Cela va causer une hémorragie anormale. La douleur vient 7 jours avant les menstruations, au lieu de 3. L'endométriose ne sert pas des fibromes ni des kystes. C'est que le tissu grandit et bloque les ovaires, et donc l'ovulation et la naissance. L'endométriose n'est pas un cancer, mais se comporte comme un cancer. Médicalement, que faisons-nous? Une chirurgie ou un traitement hormonal? mais aucun de ces traitements ne résoudra le problème. Tant qu'elle n'aura pas renoncé à ses malédictions, il faut reconnaître la cause spirituelle pour guérir. Que faire? Analyser sa vie. Reconnaître que dans sa vie, il y a une oppression de vouloir être volontairement contrôlé par un membre de sa famille. Rompre avec tout cela dans le grand nom de Yahshua HaMashiach. Se sentir mieux, mais il faut vraiment rompre ce joug. Et je suis certain que vous allez guérir. Shalom ou Barot. Amen.